FSI French Revised, Unit 6, Tape 2. Review Drill 20. Tutor. Ne pleut-il pas? Student. Si, il pleut. Tutor. Pleut-il? Student. Oui, il pleut. Ne fait-il pas beau? Si, il fait beau. Fait-il froid? Oui, il fait froid. Neige-t-il? Oui, il neige. N'y a-t-il pas de vent? Si, il y a du vent. Y a-t-il du soleil? Oui, il y a du soleil. Fait-il sec? Oui, il fait sec. Ne fait-il pas humide? Si, il fait humide. Y a-t-il du vent? Oui, il y a du vent. Ne pleut-il pas? Si, il pleut. Ne fait-il pas froid? Si, il fait froid. Fait-il humide? Oui, il fait humide. Ne fait-il pas chaud? Si, il fait chaud. N'y a-t-il pas de soleil? Si, il y a du soleil. Review Drill 21. La femme de chambre va vous y conduire. La femme de chambre va vous y conduire. Nous. Nous allons vous y conduire. On va vous y conduire. Mes amis. Mes amis vont vous y conduire. Je vais vous y conduire. Mon ami. Mon ami va vous y conduire. Nous. Nous allons vous y conduire. Janine. Janine va vous y conduire. La femme de chambre. La femme de chambre va vous y conduire. Review Drill 22. Mais ma famille arrive ce soir. Mais ma famille arrive ce soir. Mais nous? Mais nous arrivons ce soir. Mais ma sœur? Mais ma sœur arrive ce soir. Mais je? Mais j'arrive ce soir. Mais vous? Mais vous arrivez ce soir. Mais mon frère? Mais mon frère arrive ce soir. Mais ma famille? Mais ma famille arrive ce soir. Review Drill 23. Tutor. Je suis pressé et je cherche l'enregistrement. Student. C'est ici. Combien de mal avez-vous? Ce monsieur est pressé et il cherche l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal a-t-il? Elle est pressée et elle cherche l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal a-t-elle? Nous sommes pressés et nous cherchons l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal avez-vous? Je suis pressé et je cherche l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal avez-vous? Ils sont pressés et ils cherchent l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal ont-ils? Il est pressé et il cherche l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal a-t-il? Elles sont pressées et elles cherchent l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal ont-elles? Nous sommes pressés et nous cherchons l'enregistrement. C'est ici. Combien de mal avez-vous? Review Drill 24. Tutor. Allez-vous dans le midi? Student. Non, je n'aime pas la chaleur. Vont-ils dans le midi? Non, il n'aime pas la chaleur. Va-t-elle dans le midi? Non, elle n'aime pas la chaleur. Allez-vous dans le midi? Non, je n'aime pas la chaleur. Vos parents vont-ils dans le midi? Non, ils n'aiment pas la chaleur. Vos amis vont-elles dans le midi? Non, elles n'aiment pas la chaleur. Votre ami va-t-il dans le midi? Non, il n'aime pas la chaleur. Allez-vous dans le midi? Non, je n'aime pas la chaleur. Review Drill 25. Tutor. Et Henri, où va-t-il cette année? Student. Il a une villa en Normandie pour la saison. Et vous, où allez-vous cette année? J'ai une villa en Normandie pour la saison. Et votre amie, où va-t-elle cette année? Elle a une villa en Normandie pour la saison. Et vos amis, où vont-ils cette année? Ils ont une villa en Normandie pour la saison. Et votre ami, où va-t-il cette année? Il a une villa en Normandie pour la saison. Et vous, où allez-vous cette année? J'ai une villa en Normandie pour la saison. Et vous et votre femme, où allez-vous cette année? Nous avons une villa en Normandie pour la saison. Et vos amis, où vont-elles cette année? Elles ont une villa en Normandie pour la saison. Et Janine, où va-t-elle cette année? Elle a une villa en Normandie pour la saison. Review Drill 26. Tutor. Avez-vous des vacances? Student. Non, nous n'avons pas de vacances. Avez-vous la date? Non, nous n'avons pas la date. Avez-vous des couchettes? Non, nous n'avons pas de couchettes. Allez-vous dans le midi? Non, nous n'allons pas dans le midi. Aimez-vous la chaleur? Non, nous n'aimons pas la chaleur. Fermez-vous à midi? Non, nous ne fermons pas à midi. Louez-vous le rez-de-chaussée? Non, nous ne louons pas le rez-de-chaussée. Habitez-vous au rez-de-chaussée? Non, nous n'habitons pas au rez-de-chaussée. Avez-vous une auto? Non, nous n'avons pas d'auto. Avez-vous les billets? Non, nous n'avons pas les billets. Avez-vous des billets? Non, nous n'avons pas de billets. Êtes-vous en retard? Non, nous ne sommes pas en retard. Traversez-vous la ville? Non, nous ne traversons pas la ville. Aimez-vous la ville? Non, nous n'aimons pas la ville. Restez-vous en ville? Non, nous ne restons pas en ville. Commencez-vous à 9h? Non, nous ne commençons pas à 9h. Faites-vous les chambres? Non, nous ne faisons pas les chambres. Louez-vous des chambres? Non, nous ne louons pas de chambres. Avez-vous des amis? Non, nous n'avons pas d'amis. Fermez-vous les fenêtres? Non, nous ne fermons pas les fenêtres. Allez-vous chez le cordonnier? Non, nous n'allons pas chez le cordonnier. Faites-vous plusieurs modèles? Non, nous ne faisons pas plusieurs modèles. Réparez-vous des chaussures? Non, nous ne réparons pas de chaussures. Review Drill 27. Lexical and Grammar. I would like you to meet my friend. Permettez-moi de vous présenter mon ami. I'm happy to meet you, Mr. Durand. Je suis heureux de faire votre connaissance, monsieur. Did you hear from your friends? Avez-vous des nouvelles de vos amis? Here are your friends. Voilà vos amis. My brother is coming home next week. Mon frère rentre la semaine prochaine. Are your parents going on vacation this year? Vos parents vont-ils en vacances cette année? I always go to the south of France. Je vais toujours dans le midi. We don't like the heat. Nous n'aimons pas la chaleur. When are you going to the seashore? Quand allez-vous au bord de la mer? How is your friend? Comment va votre ami? Review Drill 28. Lexical and Grammar. I hope it's my train. J'espère que c'est mon train. It's a very good climate. C'est un très bon climat. I'm not in a great hurry. Je ne suis pas très pressé. What did you do over there? Qu'avez-vous fait là-bas? I drove to Versailles. Je suis allé à Versailles en auto. The new road goes through the forest. La nouvelle route traverse la forêt. Do you know where he is? Savez-vous où il est? At what time do they arrive? À quelle heure arrive-t-il? How's the weather over there? Quel temps fait-il là-bas? Where do they go over the weekend? Où vont-ils pendant le week-end? Review Drill 29. Lexical and Grammar. What do they do over the weekend? Que font-ils pendant le week-end? It's hot until September. Il fait chaud jusqu'en septembre. We are in Paris. Nous sommes à Paris. He's at the store until 9. Il est au magasin jusqu'à 9 heures. He's always alone. Il est toujours seul. Are you living together? Partez-vous ensemble? I'm not leaving on Sunday. Je ne pars pas dimanche. I don't know where I'm going. Je ne sais pas où je vais. I think she's trying on her dress. Je crois qu'elle essaie sa robe. They are packing. Ils font les bagages. Review Drill 30. Lexical and Grammar. How many days do you have? Combien de jours avez-vous? We find many of them. Nous en trouvons beaucoup. That's all that's left. C'est tout ce qui reste. They are still here. Ils sont toujours ici. At what time do you open the store? À quelle heure ouvrez-vous le magasin? When do you want to have lunch? Quand voulez-vous déjeuner? We're going to take you there. Nous allons vous y conduire. We change train in Lyon. Nous changeons de train à Lyon. I see my friends on weekends. Je vois mes amis pendant le week-end. At what time are you free? À quelle heure êtes-vous libre? Review drill 31. Lexical. Do you have change for 1,000 francs? Avez-vous la monnaie de 1,000 francs? The train arrives at midnight. Le train arrive à minuit. I think it's too expensive. Je crois que c'est trop cher. How are your friends? Comment vont vos amis? It's very windy. Il y a beaucoup de vent. We have no luggage. Nous n'avons pas de bagages. It's the last train for Paris. C'est le dernier train pour Paris. Here they are. Les voici. Why don't you leave this evening? Pourquoi ne partez-vous pas ce soir? That date suits me fine. Cette date me convient tout à fait. Review drill 32. Lexical and grammar. What can I do? Que puis-je faire? When can I go? Quand puis-je partir? There is something over there. Il y a quelque chose là-bas. In which compartment are they? Dans quel compartiment sont-ils? On what train are you leaving? Par quel train partez-vous? What time do they close? À quelle heure ferment-ils? I don't know at what time they close. Je ne sais pas à quelle heure ils ferment. You can always take a taxi. Vous pouvez toujours prendre un taxi. I'll arrive Sunday afternoon. J'arriverai dimanche après-midi. Why are you letting off your friends? Où déposez-vous vos amis? Review drill 33. Lexical. What size shirt do you wear? Quelle est votre encolure? That's what I need. C'est ce qu'il me faut. It's this way. C'est par ici. That's what's left. C'est ce qui reste. Give me two. Donnez-m'en deux. Buy me some. Achetez-m'en. It's on sale. C'est en solde. Fruit is not expensive. Les fruits ne sont pas chers. Does he wash his shirts? Lave-t-il ses chemises? I drove downtown. Je suis allé en ville en auto. Review drill 34. Lexical. The road was slippery. La route était glissante. She must also be very pretty. Elle doit être aussi très jolie. Do you go to the forest? Traversez-vous la forêt? It's a very nice villa. C'est une très belle villa. It's warm and damp there. Il y fait chaud et humide. I don't like the climate. Je n'aime pas le climat. The countryside is very pretty in the spring. La campagne est très jolie au printemps. The sun is very strong today. Le soleil est très fort aujourd'hui. What's the weather in the winter? Quel temps fait-il en hiver? I'm staying in Paris until next week. Je reste à Paris jusqu'à la semaine prochaine. Review drill 35. Lexical. It always snows. Il neige toujours. It was cold last year. Il a fait froid l'année dernière. Where are you planning to go this summer? Où comptez-vous aller cet été? Where do you live? Où habitez-vous? Do you like that restaurant? Aimez-vous ce restaurant? What are you going to do? Qu'allez-vous faire? She is prettier than Janine. Elle est plus jolie que Janine. Do you have any medicine? Avez-vous des médicaments? I don't know at what time they close. Je ne sais pas à quelle heure ils ferment. It's the heat. C'est la chaleur. End of tape 2, unit 6.